Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, bismillah, il y a une question d'une sœur qui demande: la femme a-t-elle le droit de faire Paris-Roubaix, une heure de TGV, sans mahram? Est-ce considéré comme un voyage? Barakallahu fik. Bien sûr que c'est un voyage, dans tous les sens du terme. Que ce soit de par la coutume, pour n'importe qui est du nord de la France ou qui habite à Paris, ce trajet-là est un voyage. Et de par la distance, c'est aussi, pour ceux qui considéraient la distance, c'est un voyage. Hein, puisqu'il y a plus de 200 km dans ce trajet-là. Donc c'est un voyage et la femme qui veut faire ce trajet, elle se doit d'être accompagnée d'un mahram. Ça, c'était pour la question. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد سنتحدث في هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى عن بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة وتعليقا موجزا عليها بإذن الله. Donc dans ce cours, inshallah, nous allons étudier ensemble certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y aura la lecture de ces hadiths ainsi que quelques explications et annotations بإذن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه رواه الحاكم وصححه الألباني رحمهما الله. Dans ce hadith rapporté par l'imam al-Hakim dans al-Mustadrak et authentifié par Al-Albani rahimahum Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai laissé entre vous deux choses, si vous vous y cramponnez, vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais, vous serez dans la droiture, le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالحق كل الحق هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم المراد به أصلا هو العلم الشرعي والعلم الشرعي هو قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة وقد قال تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الرد إلى الله إلى كتابه سبحانه وتعالى والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إليه في حياته وإلى أحاديثه بعد موته عليه الصلاة والسلام. Donc la vérité, toute la vérité se trouve dans les deux révélations, dans le livre d'Allah, le Coran, et la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le savoir, il est voulu par le savoir religieux. Et le savoir religieux est dans les textes coraniques et les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous le dit bien, le savoir, c'est Allah a dit, son messager a dit, les compagnons ont dit. De même qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, et si vous venez à diverger sur une question, sur une chose, alors retournez-la à Allah et à son messager. Retournez-la à Allah, c'est-à-dire à son livre, le Coran, à son messager, à sa personne, alayhi salatu wa salam, de son vivant, et à ses hadiths, alayhi salatu wa salam, après sa mort. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها صحيح رواه أحمد. Et dans ce hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous dit: attachez-vous donc à ma sunna et à celle des califes bien guidés qui viennent après moi. هذا طرف من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حيث يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون حتى ظننا أنها موعظة مودع فقلنا يا رسول الله أوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Et cette partie de hadith, elle provient du grand hadith de Al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu, dans lequel il dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté d'une exhortation qui a fait frémir les cœurs et pleurer les yeux. Alors nous avons dit: ô messager d'Allah, c'est comme une exhortation d'adieu, recommande-nous, fais-nous des recommandations, conseille-nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: je vous recommande la crainte d'Allah, la piété envers Allah, et d'écouter et d'obéir, même s'il advient que c'est un esclave abyssin qui devient votre chef. Car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de différends, verra beaucoup de divergences. Alors, attachez-vous à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés qui viennent après moi. Suivez-la et mordez-la à pleines dents et attention à toute nouveauté en religion, car toute innovation est un égarement. ففي هذه الأحاديث دلالة واضحة في بيان العصمة التي هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وأن الكتاب والسنة هما الحكم فيما اختلف فيه الناس. Donc, dans ces textes, il y a la preuve claire, évidente, que l'infaillibilité se trouve dans le livre d'Allah et dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont le juge sur tous les différends et les divergences qu'il peut y avoir entre les gens. Ils se doivent de retourner pour savoir la vérité, le vrai du faux, en retournant au livre d'Allah et à la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya Fatimatu bintu Muhammadin, سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا رواه البخاري. Et dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à sa fille: ô Fatima, fille de Muhammad, demande-moi ce que tu veux comme argent, car je ne pourrai rien pour toi, je ne serai d'aucune utilité pour toi auprès d'Allah le jour du jugement dernier. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي درسا لبنته رضي الله تعالى عنها عليها ألا تكتفي بادعاء أنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم وأن بهذا بسبب هذا النسب ستنجو من عذاب الله تبارك وتعالى إن لم تعمل ما يلزمها من العمل. Là, il y a un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa fille Fatima radiallahu anha, qu'elle ne se contente pas de dire: je suis la fille du prophète, donc je n'ai pas besoin d'agir. Et qu'elle pense que cette affiliation, à cause de cette affiliation, elle sera sauvée du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala si elle n'agit pas comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a ordonné. وتعلمون وهذا في علمكم قصة ابن نوح عليه السلام ما أراد أن يتبع نوح فكان من الهالكين والعياذ بالله. Et vous connaissez l'histoire de l'enfant de Nuh, du prophète Nuh عليه السلام. Il n'a pas voulu suivre Nuh et il fut parmi les perdants. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله رواه البخاري. Et dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit: celui qui m'obéit aura obéi à Allah et celui qui me désobéit aura désobéi à Allah. وهذا يبين لنا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله تبارك وتعالى وعصيان النبي صلى الله عليه وسلم هو عصيان لله تبارك وتعالى. قال تعالى في كتابه العزيز: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقد قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فالآيات الكثيرة التي تحثنا وتأمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض, يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans maintes versets nous ordonne, nous recommande l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, dans l'essence des versets, celui qui obéit au messager ne fait qu'obéir à Allah. Et il nous dit aussi, et ce que le messager vous donne, vous ordonne, accomplissez-le, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est douloureux dans son châtiment. Il nous dit aussi que craignent ceux qui vont à l'encontre de son ordre, qu'un trouble ne les touche ou un châtiment douloureux. Et il nous dit aussi, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager. Et il nous dit aussi, et si vous lui obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous serez guidés. Et il nous dit aussi, et quiconque fait scission d'avec le messager, après que la voie lui soit montrée, que la guidée lui soit montrée, et qui ne suit pas la voie des croyants, nous le ferons détourner comme il s'est détourné, et nous le jetterons dans la géhenne, et quelle mauvaise demeure. De même que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, j'ai laissé entre vous deux choses, vous ne vous égarerez jamais tant que vous y cramponnez, le livre d'Allah et ma sunna, et ils ne se sépareront jamais, le livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à qu'il soit présenté à moi, le Coran et la sunna, jusqu'à qu'il soit présenté à moi devant le Haud, qui est le fleuve du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans l'au-delà. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je vous ai laissé sur un chemin clair, un chemin droit, qui est clair de jour comme de nuit. Ne s'en égare après moi qu'un homme voué à la perdition. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, vous tous, vous entrerez au paradis, sauf ceux qui ne veulent pas. Alors les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ont dit, mais qui d'entre nous ne veut pas entrer au paradis au messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, celui qui m'obéit entrera au paradis et celui qui me désobéit, c'est qu'il ne l'a pas voulu. Il n'a pas voulu aller au paradis. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, kama atratin nasara ibn Maryam. فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري. Et dans ce hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, n'exagérez pas dans les éloges que vous faites pour moi comme l'ont fait les chrétiens avec le fils de Marie, avec Isa ibn Maryam, avec Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un adorateur, qu'un serviteur. Alors dites, le serviteur, l'adorateur d'Allah et son messager. وكثير من الناس ما ضل عن سواء السبيل إلا بسبب الإطراء وهو المبالغة في المدح وهو رفع قدر الإنسان فوق منزلته التي أعطاه إياها الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر، وهو خاتم النبيين وأفضل الأنبياء والمرسلين، لكن ليس هو الإله الذي نعبد، بل هو رسول أرسله الله تبارك وتعالى ورفعه الله سبحانه وتعالى، وهو المبلغ عن الله تبارك وتعالى، ولكن ليس هو الذي نعبد، بل الذي نعبد هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وصدق الخليفة الأول الصديق أبو بكر رضي الله عنه حينما قال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والمبالغة، je vais déjà traduire. Donc là on voit que le prophète ça nous met en garde à ne pas exagérer dans les éloges faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car l'exagération, c'est ce qui a amené certains à dévier de la droiture et du chemin droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur, l'élite de tous les enfants d'Adam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah, le maître de tous les prophètes et de tous les messagers. Mais il est celui qui transmet. Il fut envoyé pour transmettre le message d'Allah. Et la place qu'Allah lui a donnée ne fait pas de lui une divinité qu'on adore en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et eut raison le premier calife de l'islam, le véridique, Abu Bakr, radiallahu anhu, lorsqu'il a dit, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ô vous les gens, celui qui adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort. Et celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est le vivant qui ne meurt pas. Et donc cette exagération, elle a été la cause de la perdition de beaucoup de monde. Wa fi hadhihi al-azmina al-mutakhira wa منذ زمان نرى كثيرا ممن حادوا عن الصواب وبالغوا في المدح وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف لا تليق إلا لله تبارك وتعالى وقعوا في الشرك من حيث يشعرون أو لا يشعرون. Et on voit dans nos époques, même depuis un certain moment, certains qui ont dévié de la droiture, qui se sont égarés du droit chemin et qui prétendent faire les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont donné des caractéristiques qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par là, ils sont tombés dans le polythéisme, en le sachant ou en ne le sachant pas. فكثير تراهم يقرؤون أمداح مدائح للنبي صلى الله عليه وسلم كالبردة للبصير وغيرها وفيها الطامات وفيها الشركيات ويظنون أنهم يتقربون إلى الله بهذا. هذا البصيري مما يقول في البردة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه مبالغة لا تجوز. يدعون بأن النبي يعلم كل شيء ويعلم كل ما خطه القلم في اللوح المحفوظ، وهذا لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. Donc on les voit, ces gens-là, réciter des poèmes sur les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans nos pays, par exemple, on les voit, ils récitent un livre qui s'appelle Al-Burda, de poèmes sur les éloges, écrit par un qui s'appelle Al-Busayri. Et dedans, il y a des gravités, il y a du polythéisme. Il prétend, dans certains vers de ses poésies, que parmi la générosité du prophète, la donation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la dunya, ce bas monde, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ce qu'il connaît, il connaît bien plus que ça, mais parmi ce qu'il connaît, il y a ce qu'il y a dans la tablette bien gardée auprès d'Allah et tout ce que la plume a écrit. Alors qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. فَبِسَبَبِ هَذَا وَقَعُوا فِي الشِّرْكِ وَالشِّرْكُ الْمُشْرِكِينَ فِي زَمَانِنَا أَخْطَرُ وأشد من شرك الأولين الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشرك العرب أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون في الرخاء، أما في الشدة فيخلصون لله سبحانه وتعالى. Et on voit que beaucoup sont tombés au jour d'aujourd'hui dans un polythéisme qui est bien plus grand et bien plus grave et bien plus dangereux que le polythéisme de l'époque ou avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. car les Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient polythéistes, ils étaient polythéistes dans la facilité, mais lors de la difficulté ils étaient sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-yawm fatarahum yushrikuna fi ar-rakha'i yarhamukallah tarahum yushrikuna fi ar-rakha'i wa fi ash-shiddah wal 'iyad billah. Mais beaucoup d'aujourd'hui, tu les vois polythéistes dans la facilité et dans la difficulté. Wa yubarriluna dhalika bil hubb. Nahnu nuhibbu as-salihin. Nahnu nuhibbu an-nabi. Hadha la yubarril ash-shirk. La yubarril al-ibtida'. La yubarril mukhalafat ash-shar'. Et il prétexte en disant, mais nous on aime les vertueux et les saints, nous on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour des vertueux, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne légitime pas le polythéisme, ne légitime pas l'innovation, ne légitime pas la déviance de la législation islamique. الحب يكون كما أمر الله تبارك وتعالى وكما شرع. L'amour doit être comme Allah nous l'a demandé, comme Allah nous l'a ordonné, nous l'a légiféré. وكثير من المشركين سبب شركهم كان مبدئيا المبالغة في الحب والإطراء. أول ما وقع الشرك كان في زمني نوح عليه السلام. قبل نوح، قبل قوم نوح ما كان يعرف الشرك، ما كان يوجد شرك على وجه الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بين آدم ونوح 10 قرون كلهم كانوا على الإسلام. La première fois qu'est apparu le polythéisme, c'est à cause de l'exagération dans l'amour et dans la vénération. Avant le peuple de Nouh, il n'y avait pas de polythéisme. Le polythéisme n'existait pas. Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, nous dit, s'est écoulé entre Adam et Nouh 10 siècles, 1000 ans. Tout le monde était sur l'islam. أول ما وقع الشرك في قوم نوح كان هناك 5 رجال من الصالحين. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بأن هذه الأسماء الموجودة في القرآن في سورة نوح هي أسماء رجال صالحين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. Donc, il y avait 5 hommes vertueux. C'est le prophète صلى الله عليه وسلم lui-même qui nous dit que les noms qu'on a dans la sourate Nuh de ces hommes, ce sont des hommes vertueux. C'était des gens de bien, de piété, qui s'appelaient Wad, Suwa, Yaghouth, Ya'uq et Nasr. قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا. C'est les noms qui sont cités dans le verset coranique. حين مات هؤلاء أوحى الشيطان إلى بعض قوم نوح أن ينصبوا تماثيل تذكركم بهؤلاء تذكركم تقوى وصلاح هؤلاء. ثم مع الزمن جاءت أجيال غلب عليها الجهل ورفع عنهم العلم فصاروا يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. فأرسل الله تبارك وتعالى أول رسول لإحياء دعوة التوحيد ولدعوتهم من جديد إلى عبادة الواحد سبحانه وتعالى. Puis, à la mort de ces 5 hommes vertueux, Shaitan, Iblis, a insufflé chez certains faibles du peuple de Nuh, pourquoi ne ferez-vous pas des statues à l'effigie de ces hommes, en hommage à ces hommes, pour se rappeler d'eux, pour se rappeler du bien de ces hommes, de la piété de ces hommes. Puis, avec les générations, le savoir a baissé, l'ignorance a pris place, et ils en sont arrivés à les adorer en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et de ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à ce peuple un homme d'entre eux c'est le premier messager qui est Nuh alayhi salam, pour faire revivifier le prêche au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour rappeler aux gens l'adoration de la véritable divinité qui est unique, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. النصارى بالغوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدح في عيسى ابن مريم عليهما السلام حتى قالوا هو ابن الله وحتى قالوا هو الله والعياذ بالله. اليهود نفس الشيء مع العزير وادعوا بأن العزير ابن الله. والشيعة نفس الشيء منهم هم فرق عديدة منهم من يقول بأن علي هو الله في وجه رجل ومنهم على كل حال يعبدونهم من دون الله يعبدون علي ويعبدون الحسين ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى ويدعون لأئمتهم والأئمة براء كل البراءة مما يقول الشيعة لا علاقة لهم بالشيعة أصلا لكنهم يدعون محبة آل البيت وآل البيت بريئون منهم. Donc je disais, et les chrétiens avec cette exagération ils en sont arrivés à prétendre que Isa alayhi salam c'est le fils d'Allah, que Isa alayhi salam c'est lui Allah, et ils l'ont adoré ainsi que sa mère Maryam en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils les ont invoqués en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même les juifs avec l'Uzayr, ils ont prétendu qu'il est le fils d'Allah. De même les chiites, ils sont à l'intérieur du chiisme beaucoup de tendances, et il y en a parmi eux qui prétendent que Ali c'est Allah en forme humaine. En tout état de cause, ces gens-là, ils en arrivent à adorer Ali, Al-Hussein, les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les adorent en dehors d'Allah. Et ils les invoquent en dehors d'Allah. Bien que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les imams qu'ils prétendent suivre sont innocents complètement. De même que Isa alayhi salam est innocent de ce qu'ont fait les chrétiens, de même que l'Uzayr est innocent de ce qu'ont fait les juifs. Mais ce n'est que des prétentions. Al-Yahoud et da'aw mahabbat Allah. Fa anzal Allah tabaraka wa ta'ala qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Les juifs à Médine, ils ont prétendu l'amour d'Allah. Allah a révélé, dit ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ces gens-là, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Prouvez-le par votre action. Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qatala Allah al-Yahud اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه البخاري. Et dans ce hadith rapporté par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah combatte les juifs. Ils ont fait des tombeaux de leurs prophètes des lieux de culte, des lieux de prière. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont fait des tombeaux de leurs prophètes et de leurs saints vertueux des lieux de culte. Ne faites pas des tombeaux des mosquées ou des lieux de prière, car je vous l'interdis. وفي بلداننا ما أكثر المساجد القديمة التي بنيت على القبور أو وضعت فيها القبور. وهذه المساجد لا تجوز الصلاة فيها والصلاة فيها باطلة والعياذ بالله. وهناك من يقصد تلك المساجد ظنا منه أن الصلاة فيها فيها فضيلة والأمر بالعكس. Et on voit dans beaucoup de nos pays, dans, surtout dans les vieilles mosquées, des mosquées qui ont été construites sur des tombes, ou des tombes qui ont été introduites dans des mosquées. Ces mosquées, il n'est pas permis d'y prier dedans. La prière dedans n'est pas acceptée. Elle est caduque. Et certains même pensent bien faire, en pensant que prier dans une mosquée où il y a la tombe d'un tel ou d'un tel, eh bien, il y a des mérites dedans. Au contraire, il y a l'interdiction de prier dans ces mosquées. فالإنسان إذا دخل في بعض المساجد القديمة عليه أن يتأكد بأن المسجد خالي من القبور. C'est pour cela que quand quelqu'un vient prier dans des vieilles mosquées, qu'il se rassure qu'il n'y a pas de tombe dans cette mosquée. Qu'il n'y a pas de tombe dans cette mosquée. مسجد بني أمية بدمشق يقول أن فيه قبر يحيى عليه السلام كم من الناس يصلون فيه والعياذ بالله. La mosquée des Omeyyades à Damas. Il est dit que à l'intérieur de la salle de prière, il y a la tombe du prophète Yahya, Jean-Baptiste alayhi salam. Et combien de monde prie dedans? Qu'Allah nous en préserve. في كثير من المدن القديمة المساجد فيها قبور ويقصدها الكثير من الخلق لا يحصون. Dans beaucoup d'anciennes villes, dans des vieilles mosquées, il y a des tombes. Et beaucoup de gens, on ne peut les dénombrer, ils cherchent à prier dans ces mosquées. Qu'Allah nous en préserve. والأصل في القبر أن لا يزيد ارتفاعه عن الشبر. والشبر هو هذا. Et à la base, une tombe, elle n'a pas le droit d'être élevée plus qu'un empan. La distance qu'il y a entre l'auriculaire et le pouce. Ça, c'est ce qu'on appelle un empan. L'arabiya shibr. C'est ça ce qui est permis en hauteur. Ma zada alayhi la yajouz. Wa qad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li Ali radiyallahu anhu la tad' qabran mushrifan illa sawaytah. Tu ne trouves pas, le prophète a dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, tu ne trouves pas une tombe surélevée sans la remettre à terre. La rabaisser à terre. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار صحيح رواه أحمد. Et dans ce hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui dit sur moi ce que je n'ai pas dit, alors qu'il prépare sa place en enfer. Il a sa place qui lui est préparée en enfer. هذا الحديث يدل على خطورة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التثبت إلا بعد السؤال عن حال هذا الحديث وعن درجة هذا الحديث. نسأل أهل الاختصاص المحدثين أهل الحديث ما صحة هذا الحديث. إن كان صحيحا مقبولا حدثنا به وإلا لا نحدث به إلا إعلاما لنعلم الناس أن هذا الحديث ضعيف ou هذا الحديث منكر ou هذا الحديث موضوع. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde de parler sur lui, de dire qu'il a dit une chose qu'il n'a pas dite alayhi sallatu wassalam. Donc lorsque tu veux rapporter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rassure-toi, confirme, est-ce que ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien dit ou pas. Comment? En questionnant les spécialistes du hadith, les savants du hadith, les connaisseurs du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le degré de ce hadith? Est-ce que c'est un hadith véritablement dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si c'est un hadith authentique, acceptable, alors tu pourras dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Sinon, tu ne peux les employer ces hadiths que pour informer les gens, pour leur apprendre que ce hadith il est faible, que ce hadith n'est pas accepté, que ce hadith il est inventé. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء صحيح رواه الترمذي. Et dans ce hadith authentique rapporté par l'imam al-Tirmidhi dans son jami' ou dans ses sunan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes je ne serre pas la main aux femmes, يعني التي يجوز الزواج منهن ولسن بمحارم. Il voulut par là quelles femmes? Les femmes avec lesquelles tu pourrais te marier et qui ne sont pas des proches, hein, des proches, les maharim, qui te sont très proches, avec lesquels tu ne peux pas te marier. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه. Et dans ce hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim dans leurs deux sahih, dans leurs deux authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'écarte, qui ne veut pas de ma sunnah, ne fait pas partie de moi. هذا بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتحدث عن ثلاثة نفر جاءوا إلى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهن عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأزواج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أخبرنهم بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام وقال الآخر وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء فبعد مجيء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فجمع الناس وخطبهم وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له وإني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Donc ça c'est une partie d'un hadith dans lequel il y a trois hommes qui sont venus frapper aux portes des demeures des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyants. Et ils les ont questionnés comment elle est l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mères des croyants, elles ont répondu comment était l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'ils ont minimisé. Ils ont dit c'est pas grand chose. Alors il y en a un, il a dit, je prends l'engagement de prier toutes les nuits sans dormir. Et l'autre a pris l'engagement de jeûner tous les jours sans rompre son jeûne. Et le troisième a pris l'engagement de ne jamais se marier avec les femmes. Il s'abstient du mariage. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré, ses épouses, radiyallahu anhunna, l'ont informé de ce qui s'est passé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé les musulmans. Et il leur a fait un discours en leur disant, comment se fait-il qu'il y a des gens, sans les citer, qu'il y a des gens qui disent ceci et cela. Certes, je suis celui qui craint le plus d'Allah parmi vous, et celui qui a le plus de piété envers Allah parmi vous, mais je suis un homme qui prie la nuit et qui dort, qui jeûne et qui rompt son jeûne, et je me marie avec les femmes. Celui qui ne veut pas de ma sunnah ne fait pas partie de moi. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع رواه مسلم. Et dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, dans son authentique, le prophète صلى الله عليه وسلم disait, oh Allah, je te demande la protection contre un savoir qui ne m'est pas bénéfique, qui ne m'est pas utile. Ay لا أعمل به ولا أعلمه ولا يبدل أخلاقي. C'est-à-dire, quel est ce savoir qui n'est pas bénéfique? C'est un savoir que je ne mets pas en pratique. C'est un savoir que je n'enseigne pas, je ne donne pas aux autres. Et c'est un savoir qui ne change pas, qui n'améliore pas mon comportement. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق عليه. Dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le musulman, le véritable soumis, est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Hada huwa al-muslim al-haqiqi. Al-muslim, tujah al-muslim, la yadhlimuh, wa la yahqiruh, wa la yadribuh, wa la yatajassas alayh, wa la yaqulu fihi illa al-haq wal-khayr. Al-muslim yabta'id an al-akhlaq al-rathila min مثل الغيبة والنميمة والكذب والغش والخيانة والغدر وشهادة الزور والشتم والسب واللعن, يبتعد عن هذا ويبتعد عن الظلم بشتى أنواعه, أو أن يضرب أخاه أو أن يقاتل أخاه, يبتعد عن هذا. فهذا هو المسلم الحقيقي. Donc, le véritable musulman, le véritable soumis, c'est celui qui est, dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Les musulmans sont à l'abri de son injustice, de son oppression, ou qu'il les frappe. Un bon musulman est quelqu'un qui préserve sa langue contre la médisance, contre le fait de colporter les paroles des uns vers les autres pour y mettre une quelconque zizanie, ou y créer une quelconque divergence ou des problèmes entre les gens. C'est quelqu'un qui ne fait pas de faux témoignages, qui ne ment pas, qui ne triche pas. C'est quelqu'un de véridique, c'est quelqu'un de droit, qui tient sa parole. De même, il n'oppresse personne, il ne frappe pas, il ne va pas à combattre son frère. Voilà les caractères du véritable musulman. Vis-à-vis de son frère, il ne dit que la vérité et il ne dit que du bien. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Rawahu al-Bukhari. Dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: insulter le musulman est une perversité et le combattre est un acte de mécréance. Ara'aytum khuturat hadha al-amr laysa bil-amr al-hayyin. Vous avez vu le danger de ces actions? Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Wa hunaka man yuqatil al-muslimin wa yusammi hadha jihad. هذا ليس من الجهاد في شيء. يفجرون ويقتلون ويفعلون الأفعال الشنيعة ثم يقولون نحن في الجهاد, هذا ليس بالجهاد. وما قاله أحد من العلماء, هؤلاء جهلة ابتعدوا عن الحق وخرجوا عن الكتاب والسنة, ويجب على كل أحد أن يحذر منهم وأن يحذرهم. Et vous voyez des gens combattre le musulman au nom du djihad, faire des attentats, tuer des gens, faire le mal au nom du djihad. Ça, ce n'est pas le djihad. C'est des gens qui prétendent une chose qui est inexistante. Ce sont des gens ignorants contre lesquels il faut mettre en garde et il faut se préserver de ces gens-là. Jamais aucun savant n'a dit ce qu'ils disent. Ils ne parlent qu'avec ignorance et ils sont très loin du livre d'Allah et de la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ghatti fakhidhak fa inna fakhidha ar-rajuli min awratih. Sahihun rawahu Ahmed. Et dans ce hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: couvre ta cuisse, car la cuisse fait partie des parties, entre dans les parties intimes de l'homme. وحتى إن كان في الرياضة لا يجوز له أن يظهر أمام الآخرين لابسا التبان. التبان هذا لا يغطي العورة كاملة بل يظهر جانب من الفخذ. Même si tu fais du sport, il ne t'est pas permis d'apparaître devant les gens avec un short, car le short ne couvre pas toute la cuisse, ne couvre pas toutes tes parties intimes. Donc cela n'est pas permis. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا رواه مسلم. Et dans ce hadith authentique rapporté par Muslim, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui lève les armes contre nous ne fait pas partie de nous. Il ne fait pas partie de nous. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غش فليس منا صحيح رواه الترمذي. Et dans ce hadith authentique rapporté par Tirmidhi, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui triche, qui cache la réalité d'une chose, ne fait pas partie de nous. وهذا يكثر في التجارة في البيع والشراء وهذا ليس من سمات المؤمنين الصادقين. Et ce problème on le retrouve souvent dans le commerce, dans la vente et l'achat, et ce n'est pas un comportement digne d'un bon croyant. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفقة يحرم الخير كله رواه مسلم. Dans ce hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui n'a à qui n'a pas été donné la douceur, alors il ne lui a pas été donné tout le bien. Celui qui a été privé de la douceur, il a été privé de tout le bien. فبعض الناس يظن أن على المسلم أن يكون شديدا وأن لا يبتسم وأن يكون هذا هو مظهره أمام الآخرين. هذا خطأ وهذا ليس من الإسلام. Certaines personnes pensent que le musulman c'est quelqu'un qui doit apparaître avec dureté, qui doit apparaître sans sourire. Ils pensent que c'est ça le bon musulman, c'est comme ça qu'il faut être. Ça c'est une erreur, ça ne fait pas partie de l'islam. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من الصدقة الابتسامة في وجه أخيك. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a informé que parmi les aumônes il y a le fait d'apparaître devant ton frère avec le sourire, d'être devant lui avec le sourire. وقد قال الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: et c'est de par une miséricorde de ton Seigneur que tu as été doux envers eux, et si tu étais doté d'un cœur dur, ils ne resteraient pas auprès de toi, autour de toi, ils se disperseront. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.